Bonsoir et bienvenue à Terra Incognita, votre rendez-vous hebdomadaire. Ce soir, Marc et moi, on vous a préparé encore un bon 2 heures de rock progressif avec des nouveautés et des choses moins récentes aussi. Et parlant de nouveautés, on ouvre ce soir l'émission avec une nouvelle pièce de Il Castello di Atlante, une formation italienne qu'on a eu le grand plaisir d'accueillir dans le cadre de Terra Incognita, pas moins de 2 reprises. Et on doit dire qu'à chaque occasion, c'était vraiment des concerts inoubliables. Le groupe a 6 albums à son actif. Le plus récent, Arx Atlantis, est paru en 2016. Et donc, ça fait 6 ans que le groupe n'a rien présenté de nouveau. Et il nous arrive avec 2 nouvelles pièces. On va en écouter une première ce soir et l'autre, on va la garder pour la semaine prochaine. Et puis, après ça, on aura des Pays-Bas, Dimitri Toulun. On a présenté un extrait il y a 2 semaines, multi-instrumentiste des Pays-Bas. C'est son second album, Sound from Emotion. Et après ça, Marc, je pense qu'on fait un petit détour vers les États-Unis. Oui, en effet, c'est un multi-instrumentiste du nom de Mike Ian. Il a plus de 10 albums à son actif et il vient tout juste de faire paraître son nouvel album, un album concept de Learning Tree. Et sur ça, il y a le retour au chant, puisque ça fait déjà plusieurs albums qu'il réalise qui sont instrumentaux. Alors, il travaille ici en collaboration avec le parolier Troy Raleigh. Et de cet album-là, on aura la pièce A Pirate's Dream. Et ce sera suivi du musicien italien Shiva Bhakta et son plus récent album 6-4 of Love. Son précédent était paru en 2014. On aura la pièce titre de cet album-là. Mais, comme vous le disait Michel, en primeur ce soir à Terra Incognita, une nouvelle pièce de la formation italienne, Il Castello di Atlante. Di me, il viso gelato, dovremmo smaltato, 100 cavalli sono con me. Acciaio lucente, squarcia l'aria, rapido solca, fende lo spazio, data scura, filtra la vista, cambia il sentore, la realtà. A gara con la mia ombra, mi sopravanza ed io la raggiungo nel vento, nel vento, nel vento, nel vento. Veloce corro sopra l'asfalto, a me la gente e la velocità, le cose si seguono intorno a me. Buona soffia, spinge potente, pura energia, vitalità, padrone impavido della potenza, rapido supero la fantasia. Thank you. sai, Dio la raggiungo nel vento. Si dirompo, sono con me, scatto avanti verso il tempo, scatto avanti è un futuro nel vento, nel vento, nel vento, nel vento. 7 days and 7 nights at sea, high above the ocean. Just a foolish pirate's dream. 7 nights and 7 ways to go. 7 days and 7 nights alone. I went anchors away, catch of the day, a captain of storms that are brewing. Tamed by the squall, and lined the sea wall, and felt ripples from what I was doing. Thank you.

CKRL 89.1. Alimentex, la première épicerie naturelle à Québec depuis 1969. Vous y trouverez des aliments biologiques, des produits de santé naturels sous forme de tisanes, crèmes et extraits de toutes sortes. Alimentex, c'est aussi tout ce dont vous avez besoin pour vos recettes. Des spécialistes sont sur place pour vous conseiller. Avant d'aller ailleurs, passez chez Alimentex, c'est la référence à Québec. Pour des conseils de santé, prenez rendez-vous avec notre naturopathe. De plus, Alimentex offre 10 % de rabais le premier mercredi du mois sur tous les produits à prix régulier en magasin. Alimentex, ça vaut le déplacement. Coin 1ère Avenue et 12e rue à Limoilou ou alimentex.ca. Les samedis soirs de CKRL sont une présentation du Bal du Lézard, partenaire légendaire du 89.1. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulézard.com. Pour entamer cette demi-heure, on aura un extrait de l'album The Edinburgh Suite du guitariste norvégien Anders Buoss. C'est son 5e album. Et il a fait une entrée remarquée sur la scène musicale avec une trilogie, rien de moins. Donc, The Witches of Finnmark. Les albums ont été respectivement lancés en 2017, 2018 et 2019. Et puis, l'année dernière, il nous a présenté l'album Terror. Et le voici encore avec un autre album, mais très productif, ce guitariste, versatile aussi d'ailleurs. Et puis, on aura tout de suite après, ça nous vient d'Italie, une nouveauté qui a pour titre Wag Dance et le groupe c'est Galaverna, un groupe de folk prog italien qui en est à son premier album. On aura aussi, ça vient des Pays-Bas, un album qui paraît 25 ans, qui est demeuré 25 ans sur les tablettes, la formation pour nom Galaxy. Le titre de l'album c'est Runaway Man. Le groupe a enregistré et puis mis le disque sur les tablettes. Entre-temps, les musiciens ont fait autre chose. Je sais notamment que le chanteur a chanté avec Kayak. Et puis, quelqu'un a pensé à ressortir cet album. Donc, belle surprise 25 ans plus tard. Et puis, Marc, après, je pense qu'on demeure aux Pays-Bas. Oui, en effet, c'est le musicien Anne Huil qui avait formé le groupe Antares et qui est maintenant chanteur pour la formation Seven Day Hunt. Alors, c'est son 5e album qui va paraître le 16 juin prochain, intitulé Walking in Circles. On aura la pièce Eternally. Et ce sera suivi d'un groupe italien, Graal. Ils ont 6 albums à leur actif. Et on aura un extrait de l'album Legends Never Die, qui était leur 3e, paru en 2011. Leur plus récent date de 2015. Alors, on aura la pièce Stay. Mais tout d'abord, comme vous le disiez, Michel, on débute avec la nouveauté du guitariste Anders Buoss. solitude and my fears is getting too strong. Living this dream of eyes, it makes me feel better. We'll be right back. Thank you. Paul Carniello. Vous êtes en train d'écouter CKRL. Le 5 juin prochain, l'église Saint-Roch ouvre grand ses portes afin de vous accueillir, le temps d'un récital unique réunissant deux grandes voix de la ville de Québec. Venez redécouvrir ce haut lieu du patrimoine et son majestueux orgue Casavant, en compagnie de la soprano Chantal Parent et de moi-même, Zita Bombardier, mezzo-soprano, autour d'un répertoire réunissant Gounod, Saint-Saëns et Chaminade. C'est un rendez-vous le dimanche 5 juin à 15h à l'église Saint-Roch. Billets en vente sur zitabombardier.com et à la porte. Les samedis soirs de CKRL sont une présentation du Bal du Lézard, partenaire légendaire du 89.1. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulezard.com. De retour à l'émission Terra Incognita avec Michel Bilodeau et Marc Chaunet. Alors, dans le prochain bloc musical, on aura une formation de l'Italie, et la formation Nathan, tirée de leur plus récent album Uomini di Sabbia. On aura la pièce Fatti non foste. Également, on aura la formation de l'Argentine Meret et un troisième extrait de leur nouvel et excellent album Ceremonias. En fait, c'est leur premier album. C'est un sextet de Buenos Aires. Leur album est paru en avril. Et on aura la pièce Plano Astral. Mais pour débuter le bloc musical, Michel, une très belle surprise de l'Italie qui est Gracieuseté de Vincenzo Riccia. Oui, depuis 10 ans, ce claviériste italien nous propose, sous le nom de The Rome Project, d'excellents albums, et puis c'est son 5e qui a pour titre Compendium of a Lifetime. Et pour ceux qui connaissent l'artiste, vous savez qu'il est toujours bien entouré. Et pour cet album, on retrouve Steve Hackett, évidemment à la guitare, Nick Magnus, son complice de longue date de Steve Hackett au piano, David Jackson au sax, John Hackett à la flûte, Bernardo Lanzetti de ex-PFM, ex-Acqua Fragile, ou non plus ex parce que le groupe a été reformé, et à la basse nul autre que Tony Levin. On écoute la pièce titre de cet album, donc Companion of a Lifetime. come on, tell me now. Tell me everything about a soldier's cold and sleepless night in the mud. Move on up, better go than die. I will give you a chance, Commander told me so. You are different from those sturdy faces everywhere, made of clay. You're the finest marble statues are made of. Finish, last to die. Thank you.

Dans le prochain bloc musical, on aura une formation du Japon qui a pour nom T. Ils ont 3 albums studio en carrière et il y en a un nouveau qui s'en vient le 2 juillet prochain qui aura pour titre Total Edge Effect. T, leur premier album paru en 2009 s'intitulait The Earth Explorer. Ensuite, il y a leur second, Trans Europe Expression, dont on aura un extrait, paru en 2012. Et leur troisième, Tales of Eternal Entities, paru en 2016. On aura également une formation de la Hongrie, la formation Solaris, qui faisait paraître en 2014, Martian Chronicles Part 2. Donc, c'est une suite 30 ans après leur premier album, paru en 1984. Alors, ils ont 5 albums à leur actif, dont leur plus récent, Nostradamus 2.0, qui est paru 20 ans après Nostradamus, première partie, paru en 1999. Mais pour débuter ce bloc musical, Michel, on aura un groupe de la Finlande. Oui, on va avoir une pièce de la formation Ageness, mais ce ne sera pas dans le contexte d'un de ses albums. C'est sa contribution à un album concept paru en 2016 sous le titre de Decameron, 10 Days in 100 Novelas, Part 3, un quadruple album avec plein de groupes dont Taproban, mon Dieu, Elephant of Scotland, j'en passe, Nexus, Trion, Willow Glass, en bref, 4 disques, c'est pas rien. Et on va écouter la pièce de Bizarre Garden Incident.